Ils arrivent d'un autre univers, les Bitovans. Ils combattent pour sauver la terre, les Bitovans. Ils défendent la justice, se battent pour la liberté. Sans nous, c'est 17. Ils arrivent d'un autre univers. Ils combattent pour sauver la terre. Merde. Vas-y. Ils combattent pour sauver la terre. Ils défendent la justice. Salut. Se battent pour la liberté. Son Gohan, Joe, Zack... Ah putain, moi... Oh, silence là. Son Gohan, Joe, Zack, c'est 17 et Transpire Man. Zack. Rien ne sera les arrêter.